On se souviendra que dans l'Antiquité grecque et romaine, les acteurs étaient tous des hommes, dont certains de ce fait jouaient évidemment des rôles féminins. Il y avait en Grèce un acteur qui surpassait tous ses rivaux par la pureté de la voix et la grâce des gestes. Il se nommait Paulus. Il jouait les chefs-d'œuvre tragiques avec un art et une habileté profonde. Ce Paulus perdit un fils qu'il aimait tendrement. Lorsqu'il crut avoir assez longtemps porté le deuil, il reprit sa profession. Dans l'Électre de Sophocle, qu'il jouait alors devant les Athéniens, il devait porter l'urne qui est supposée renfermer les cendres d'Oreste. Dans cette pièce, Électre, croyant avoir dans les mains les restes de son frère assassiné, gémit sur son trépas et s'abandonne à tous les transports de sa douleur. Paulus parut donc, couvert des vêtements lugubres d'Électre, et tenant, au lieu des prétendues cendres d'Oreste, l'urne qui renfermait les ossements de son propre fils et qu'il avait tiré du tombeau. En les pressant sur son cœur, il remplit tout le théâtre, non de cris simulés, mais d'un deuil réel et de lamentations déchirantes. Ainsi, quand on croyait que l'acteur jouait son rôle, c'est sa propre douleur qu'il représentait.